palais que j'ai quitté, ce nicher des oiseaux et des chansons. J'ai tout perdu sur un coup de dé. Il ne me reste plus que mes chansons. La terre tourne, tourne, tourne tant que tu verras bientôt tous les trains se perdront. Et ce jour-là, tu me verras content, car j'aurai retrouvé mes oiseaux, mes chansons. De l'horizon, je me suis fait l'allié de tous les océans. Mes oiseaux dorment au pays des donjons, et moi je n'entends plus que les cris des goélands. La terre tourne, tourne, tourne tant que tu verras bientôt tous les trains se perdront. Ce jour-là, tu me verras content, car j'aurai retrouvé mes oiseaux, mes chansons. La terre tourne, tourne, tourne tant que tu verras bientôt tous les trains se perdront. Et ce jour-là, tu me verras content, car j'aurai retrouvé mes oiseaux, mes chansons.